notre terre, plus rien ne doit passer. Désormais il faut les châtier, qui se sont répartis dans les différents pays, qui par notre patrie, l'Europe est envahie. Notre nation meurt sous cette occupation, déclare le passion, pas besoin de compassion. Il est nécessaire de passer à l'action. L'Europe se meurt, et toi avec. L'Europe se meurt, plus d'identité, ils vont te perdre. Révolution, révolution, révolution, révolution, révolution, révolution.